Hypersensible, la fiction, aujourd'hui les démons de Bergman, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, réalisée par Pascal Deux. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire du tournage du film La Honte d'Ingmar Bergman. Ce n'est pas son film le plus connu, tant s'en faut. Mais quand on sait qu'il a été tourné sur l'île de Faro, une île de la mer Baltique sur laquelle Bergman a décidé de s'installer pour vivre, cela donne une nouvelle dimension au film. L'héroïne, c'est Liv Ullmann, actrice qui a joué dans plusieurs films de Bergman, dont Persona, L'heure du loup et La Honte, donc, mais qui fit aussi sa compagne, femme, actrice et muse. Le couple vivra sur l'île de Faro une relation forte, ce qu'on appelle un grand amour, entrecoupé de crises et de tensions, sinon ce ne sera pas de l'amour. Ce que le cinéaste appelait « mes démons », ceux de la jalousie extrême d'abord. Dans ce lieu isolé qui devint vite une forteresse puis un bunker, Liv Ullmann se sentira presque séquestrée. Alors, elle s'enfuira avec la petite fille qu'elle a eue avec Bergman. Rien de spontané chez moi, rien d'impulsif, a dit un jour Bergman, précisant « Je ne discute jamais avec mon intuition, c'est elle qui décide ». Dans son livre « Laterna Magica », Bergman écrit aussi « Je suis attaché à Faro. Au bord de la mer, je peux me laisser aller à ma fureur et hurler. Une mouette, tout au plus, va s'envoler. Sur le plateau, ce serait une catastrophe ». Le cinéma du maître suédois illumine les écrans depuis près d'un demi-siècle, parcouru par la dualité, la rigueur de la mise en scène, contient les troubles et les angoisses de son auteur. L'éclat des visages et la lumière transcendent les passions de ses personnages. Bergman intense et secret, amoureux et passionné, sa reconnaissance est vertigineuse. Sa quarantaine de films n'a jamais cessé d'être vue et admirée. Metteur en scène de théâtre également, Bergman aurait eu 100 ans en juillet de cette année. La Cinémathèque française lui offre un anniversaire impressionnant avec des projections, mais aussi des rencontres et des conférences du 19 septembre au 11 novembre prochain. Enfin, deux documentaires sortent sur les écrans. Bergman, une année dans une vie, de Jane Magnusson, et À la recherche d'Ingmar Bergman, de Margaret F. von Trotta. Alors pourquoi un tel hommage rendu à ce cinéaste? Fut-il un géant? Icône de la nouvelle vague, admirée par Godard et Truffaut, mais aussi guide de la génération suivante, comme Jacques Doyon, André Téchiné, Benoît Jacquot ou Philippe Garrel. Du septième saut à Persona, des fraises sauvages à Fanny Alexandre, en passant bien sûr par Crise et chuchotement, nous analyserons les sortilèges de cette œuvre d'une pureté cinématographique éblouissante et les visions torturées et pessimistes du réalisateur suédois. Oui, nous verrons tout cela. Et avec notre invité, Yann Tobin, critique de cinéma et auteur du livre Ingmar Bergman, Le Magicien du Nord, édité en 1993 chez Gallimard. Mais revenons à la fiction. Elle commence sur un bateau en mer au large de l'île de Faro, en Suède. Voici les annotations des deux scénaristes. Liv Ullmann, 28 ans, et son partenaire de jeu, Max von Sydow, sont dans une barque. Des bruits mécaniques, des personnes qui s'affairent sur un plateau de cinéma flottant, le bruit de l'équipe de tournage qui s'agite, il fait froid. Le vent souffle. À leur respiration et au claquement de leurs dents, on comprend que les deux comédiens sont morts de froid et épuisés. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les démons de Bergman. Une fiction d'Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera. Réalisation Pascal Deux. Prends en place. Repris dans une minute. Remonte le diffuseur un peu plus haut, oui. Comme ça. Avec le vent, ça tient pas. Deux secondes. Un peu plus haut encore. Voilà. Tiens-le, le temps de la prise, ça ira. Ok, attendu. C'est bon pour moi, Igma. Sven, fais-moi voir le cadre. Tu peux serrer un peu plus sur l'île. Comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Ça te calme pas. Ça va. Donne-moi tes mains. C'est bon, ça va. Oh, Liv, elles sont glacées. Qu'est-ce que vous faites, putain? Il ne faut pas bouger, Liv. Allez, on y retourne. Moteur. Ça tourne. 57 sur 1, première. Action. J'ai fait un rêve. Je marchais le long d'une très jolie rue. Et d'un côté, il y avait des maisons blanches avec de grandes voûtes et des piliers. De l'autre côté, il y avait un parc ombragé. Sous les arbres, près de la rue, coulait l'eau verte foncée d'un ruisseau. Puis je suis allée jusqu'à un grand mur couvert de roses. Et puis un avion est venu enflammer les roses. C'était pas si terrible, hein, car c'était magnifique. Je regardais dans l'eau les reflets, des roses qui brûlaient. Je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Coupez ! Liv ! Liv, écoute-moi ! Moins vite ! Et enfonce-toi plus dans la barque ! C'est pas une croisière ! Allez, on fait une pause, 5 minutes. Et ne bougez pas, hein, surtout ! Vous deux, restez en place ! Ça va ? Tu tiens le coup ? Ça va. Je comprends pas pourquoi on nous a pas ramenés pour déjeuner. On n'aurait pas perdu de temps. Il a ses habitudes. Et toi, des engelures. Dis pas de bêtises. Liv, Max, on y retourne. Liv, pense à ce que je t'ai dit. Bouge-toi plus, serre-toi bien contre lui. Tu me dis qu'il fait froid. Alors profites-en pour chercher la chaleur. Et Max ne change rien. Moteur demandé. Ça tourne. 57 sur 1, deuxième. Action ! Je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Et tout le temps, je savais que je devais me souvenir de quelque chose. Quelque chose que quelqu'un avait dit. Mais j'avais oublié ce que c'était. Coupé ! On reprend, silence s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne. 57 sur 1, troisième. Action! Je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Et tout le temps, je savais que je devais me souvenir de quelque chose. Et je ne savais pas ce que c'était. Pingmar, mon cher Pingmar, devrais-je cesser de te chérir ? Je suis en colère contre toi. Jamais tu ne liras ces mots, mais je dois les écrire. Je le dois, car je ne saurais me contenir si je ne déverse pas cette colère qui me brûle. Tu as été cruelle cette fois. Si cruelle. Aujourd'hui, nous avons tourné la dernière scène de La Honte, le troisième film que tu réalises chez nous, ici, à Fareux. Je t'ai détesté toute la journée. J'ai eu si froid. Je te revois sur ton embarcation, emmitouflée de tant de pulls et de manteaux. Et Max et moi, à peine un gilet sur le corps, transis de froid dans cette barque. Sans relâche, je te donne mes mots, ma douleur, ma joie, ma vitalité. Sans relâche, je t'offre tout ce que j'ai, et toi, indifférent à ma peine, tu regardes au travers comme si j'étais un fantôme. Tu ne te soucies plus de moi. Chaque jour, je me façonne à ton image, mais je ne suis jamais celle que tu souhaites. Tu étais content ce soir quand nous sommes rentrés. Tu m'as félicité. Je n'ai rien osé répondre alors que j'aurais aimé te frapper le corps de mes poings, te mettre à nu toi aussi, te faire souffrir comme tu sais si bien le faire. Oui. Puisses-tu changer? Puisses-tu devenir celui que j'aimerais aussi façonner? Puisse mon désir devenir réalité et mettre fin à toute cette souffrance? Bonjour Max, je viens chercher Liv. Elle est prête? Je suis un peu en avance. Non, elle ne viendra pas. Elle est allée s'allonger, elle doit se reposer un peu et rester avec Lynn. Je pense que c'est mieux que vous ne l'attendiez pas. Oui, je comprends. On a eu une grosse journée. Sans parler de demain. Salut les autres de ma part et dis-leur de ne pas veiller trop tard. Je transmettrai. Embrasse Liv pour moi. À demain, Ingmar. À demain, Max. Ingmar ? C'était Max ? Mm-hmm. Pourquoi tu l'as renvoyé ? J'ai pensé que nous pourrions passer la soirée rien que tous les deux, serrés l'un contre l'autre. Toute la journée, j'ai attendu ce moment d'être seul avec toi. Liv, ne me regarde pas avec ses yeux. Allez, embrasse-moi. J'ai envie de sortir. J'ai prévu de dîner avec l'équipe. Le mercredi, c'est mon soir. Tu le sais. Juste un soir par semaine. Au moins ça. Je crains que cela ne soit pas possible. J'ai déjà renvoyé Max. Je peux y aller seule. Ma chère Liv, je sais qu'Ingmar Bergman est insupportable, parfois, et je demande pardon en son nom. Je lui ai parlé, et il a promis d'être adorable. Merci. Mais je n'ai ni besoin de promesses, ni de pardon de sa part ce soir. J'ai envie de prendre l'air. Mais tu es trop fatiguée. Tu l'as dit à Max quand nous sommes rentrés, je t'ai entendu. Je peux être fatiguée et avoir envie de sortir. Si l'appétit vient en mangeant, l'énergie vient en faisant. Bon, reste, si ce n'est pas pour moi, au moins pour t'occuper de ta fille. Hein, tu y trouveras une énergie tout aussi grande, si ça peut te faire plaisir. Que sais-tu de mon plaisir ? Je t'aime, Ingmar, et mon amour ne ressemble à rien. Mais je veux sortir ce soir, et j'irai, que tu le veuilles ou non. Non, je t'interdis de le faire. Tu as un film à tourner, une maison à tenir, et une fille à t'occuper. Si tu penses que je suis un pantin et que tu peux faire ce que bon te semble, je ne suis pas à ta disposition. C'est toi qui parles de pantin ? De disposition ? Mais qui dispose de qui, dis-moi ? Moi qui passe mes journées dans une barque par moins 30 à répondre à tes exigences ? Quand on y répond, c'est qu'on le veut bien. Tu es responsable de tes choix. Très bien, alors je suis responsable de te désobéir. Et moi de t'en empêcher ? Lâche ça. Lâche ça. Je ne lâcherai rien, tu m'as bien compris, rien. Lâche cette poignée, Liv. Tu ne décides pas, je fais ce que je veux. Ne crie pas. Je réveille, Lina. Je parle comme je veux. C'est pas toi qui décides. T'en as pas eu assez de te frotter à Max toute la journée. Il faut en plus que tu passes la soirée à ses côtés. Je suis pas dupe, hein. Je vois bien ses regards, ses caresses, tes mains dans les siennes. C'est toi qui m'ordonnes de me serrer contre lui. Et maintenant tu me le reproches. Ne m'oblige pas à me justifier de choses qui n'existent pas. Mais comme tu es aveugle, Liv, ils sont tous après toi. Et tu veux me faire croire que tu ne vois rien. Que aveugle ou sotte, je sais pas ce qu'est le pire. Je n'ai pas de cœur. Je voulais juste dîner, Ingmar. Si tu sortais tous les soirs à danser et boire du whisky, on ne ferait pas de film. Je comprends pas, je comprends rien. Je comprends pas, Ingmar, tu es jaloux, voilà ce que tu es. Pourtant, je prie pour toi. Mais tu pries. Ah, tu pries pour toi-même. C'est du théâtre. C'est du mauvais théâtre. Ferme-la. Arrête, tu m'es trop... Je voudrais te tuer. Ingmar, arrête. Liv, reviens. Reviens. Liv, ouvre. Ouvre ou je défonce cette porte. Lynn, ma chérie. Lynn, ouvre cette porte. Toi. Maman n'est pas loin. Eva, monte dans la voiture! Coupé! Liv, c'est ce regard-là que je veux. Et tu es pas assez près de la maison. Rapproche-toi encore. Allez, on la refait. Remets-toi au départ. Attention. Moteur. Ça tourne. 63 sur 5, deuxième. Action! Liv, rapproche-toi, j'ai dit. Plus près, Liv. Liv, tu m'entends ? Plus près ? Oui. Encore plus près. Ingmar, la maison est en feu. Ça n'a pas d'importance. Plus près, j'ai dit. Voilà, action. Eva, monte dans la voiture. Thank you. Quand je relis mes dernières lignes, là où je me suis arrêtée, je lis « J'aurais aimé te faire souffrir comme tu sais si bien le faire. Sais-tu une nouvelle fois ce que j'ai vu dans tes yeux aujourd'hui ? J'ai vu de la haine. Je voyais ton cœur durci de nos chagrins de la veille, de cette course-poursuite où je me suis réfugiée dans la salle de bain pour t'échapper. Toi, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de casser la vitre et de rentrer par la fenêtre. Je revois ta pantoufle tombée sur le carrelage. Nous avons ri alors. Que faire d'autre, Igmar ? Si ce n'est de rire pour oublier. Faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Cette nuit, alors que je te tiens dans mes bras, je me sens légère et sereine. La peur qu'un jour l'amour s'évapore n'est plus là. Nous sommes liés pour l'éternité. Je le sais. Mais ce matin, avec Max sur le plateau de la honte, j'ai retrouvé ta colère. Tu m'as demandé de me rapprocher de la maison. Tu voyais les flammes, mais tu n'en tenais guère compte. Alors j'ai su. Ce n'était pas le réalisateur qui parlait à son actrice, mais Igmar, à Liv. Cette colère, cette rage que tu tiens cachée contre moi, c'est la nôtre. Je pense à cette réplique du film que nous faisons ensemble. Et si nous n'arrivons plus jamais à nous parler ? Igmar, je te le demande. Et si nous n'arrivons plus jamais à nous parler ? Sans haine, sans douleur, sans tristesse, sans ressentiment, sans souhaiter l'anéantissement de l'autre, que ferons-nous ? Il y a des mots que je pourrais te dire. Je ne veux ni ne peux continuer à vivre avec toi. Ça ne marchera pas, car ni toi ni moi n'avons une volonté réelle de changer. Je n'aime pas baisser les bras, mais je sais qu'il y aura continuellement des crises qui entraîneront des bouleversements terribles de l'âme et des violences physiques et psychologiques. Mais ces mots-là, je ne veux pas les dire. Je ne sais pas si je survivrai à une séparation. Comme je t'aime et te déteste à la fois. Tu es tellement exigeant, Igmar. Tellement exigeant. Tellement exigeant que je ne sais si j'y survivrai. Mais si je me sépare de toi, survivrai-je aussi. Tu fais quoi aujourd'hui ? Et toi, tu fais quoi ? J'en sais rien. Je te demandais à toi. Tu as besoin de moi ? Pourquoi penses-tu que j'ai besoin de toi ? Je ne sais pas, je te le demande. Non, tu fais ce que tu veux. Je suis vivante, mais comme prise au piège, à remuer entre deux craintes de mort. Qu'il est si doux et pourtant si violent de t'aimer. Je t'aime à ma manière imparfaite et plutôt égoïste. Et parfois, je pense que toi aussi tu m'aimes à ta manière. Je pense tout simplement qu'on s'aime. À la manière de ce monde, une manière imparfaite. Oui. Une telle liaison, c'est une grâce. Ta Liv, qui t'aime immensément. Tu vois, Lynn, il y a 35 ans, j'étais assise ici, précisément ici, dans cette chambre, à ce bureau. Tu as frappé à la porte et tu m'as dit « Pourquoi tu pleures, maman ?» Et je t'ai répondu « Je me sens seule parfois. » Et toi, tu m'as dit « Tu m'as moi !» J'avais quel âge ? 2 ans à peine. Et puis c'est devenu le rêve de quelqu'un d'autre. L'été après le tournage de La Honte, il a fait construire ce mur en pierre tout autour de la maison pour que les gens ne puissent pas voir à l'intérieur. Il avait besoin d'isolation totale pour écrire. Pourtant, il ne voulait pas non plus être seul. Il fallait que je reste avec lui. Il ne voulait pas que je m'éloigne ou que je rentre chez moi en Norvège. Cette maison est devenue une prison où tout m'était étranger. Les amis, la famille, même les souvenirs menaçaient notre relation. La nuit, quand il ne dormait pas, je restais silencieuse à son côté, terrifiée par ses pensées. Pour être en sécurité, il fallait que je vive comme il l'entendait, car c'est seulement ainsi que lui se sentait en sécurité. Lui, enfermé à son bureau à écrire, à écouter sa musique, et moi... Tu m'avais moi, maman. Ma chérie, comment exprimer ce sentiment de soulagement que j'ai éprouvé quand tu es née ? Tu serais avec moi dans ce monde. Ton lit était installé à côté du mien, juste là. On s'endormait main dans la main. On écoutait de la musique, en regardant de belles images ensemble. On discutait de tout. Tu te souviens ? Il y avait juste nous deux. Ton père devait vivre sa vie à lui. Près de nous, mais jamais avec nous. Je me sentais seule, mais c'était ma solitude à moi. Il ne l'a pas créée. Personne ne crée la solitude de l'autre. Personne ne crée la boule noire que tu ressens dans ton ventre. Nous avons tous ça en nous. C'est comment nous le gérons qui fait la différence. Tiens, regarde. Celle-là est de lui. Je ne sais pas si je te l'ai déjà montré. Il m'écrivait souvent. Cher Liv, tu es partout. Dans la lumière de la fenêtre, dans la porte de la salle de bain, sur le lit, sur la chaise. Ça me fait mal de te voir de l'autre côté de ce mur vitré. Mon cœur se languit de toi, comme si mon corps était sans peau sur les os. J'aimerais que tu m'envoûtes, que tu m'entraînes dans ce qui est à toi, dans ce qui est ta féminité et ta tendresse. Ce que je vis est un peu comme l'enfer. C'est presque romantique. J'ai fait un rêve cette nuit, que toi et moi étions douloureusement liés. Je continue à penser qu'il existe un mal impossible à expliquer. Un mal virulent et séducteur qui n'existe pas chez d'autres bêtes que l'homme. Un mal irrationnel qui ne se soumet à aucune loi. Un mal cosmique et insensé. L'homme n'a pire crainte que ce mal incompréhensible, ce mal inexplicable. Je tends mes mains vers toi et je te dis, n'aie pas peur, Liv. Je ne te ferai pas de mal. Je t'aime. Pour l'heure, les démons sont partis. Ta main est-elle dans la mienne ? Pingmar. Maman, malgré toutes ces années, les plus belles comme les plus difficiles, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient connu l'expérience de ce que ma rencontre avec Igmar a apporté dans ma vie. Une telle liaison, c'est une grâce. Je l'ai aimé intensément, même après notre séparation. Nous n'avons jamais cessé de nous voir. J'ai tourné dans ses films jusqu'à la fin. Le secret de notre relation, c'était notre amitié. Nous étions les meilleurs amis du monde. Les démons de Bergman, une fiction d'Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, avec Sandy Boisard, Christophe Brou, Cyril Botorel, Marie Kreiner, Sébastien Deux, Norbert Ferrer, Thomas Othello-Pontier, Tobias Nuiten. Bruitage Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Armingue, Marie Le Peintre. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Pascal Deux. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. One is a number divided by two. Affaire sensible, la fiction. We have a very special relationship and we really did only two movies when we lived together. Il est vrai que nous avons une relation très spéciale, d'autant que nous n'avons fait que deux films quand nous vivions ensemble. D'ailleurs, il y a quelques jours, au téléphone, nous avons parlé de notre relation. Il m'a dit, n'est-il pas étrange que nous ayons été amoureux, que nous ayons eu des enfants, que nous soyons amis aussi depuis 40 ans, que tu aies été mon actrice, que j'ai été ton metteur en scène, et que toi, tu aies réalisé certains de mes films. Et je lui ai répondu, tu sais, Ingmar, pour moi, c'est du domaine de l'étrange aussi, d'avoir eu cette relation unique au monde avec toi. Toi, un génie. Et ce fait est d'autant plus rare que nous avons su combiner tous les niveaux possibles de la relation. Je sais que c'est un cadeau du ciel pour moi, mais je ne suis pas un génie comme toi. Alors Ingmar m'a dit, mais Liv, ce que tu ne comprends pas, c'est que toi, tu es mon Stradivarius. Et c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui les démons de Bergman, notre invité Yann Tobin, critique de cinéma et auteur du livre Ingmar Bergman, le magicien du Nord, chez Gallimard. Bonjour Yann Tobin. Bonjour. Alors Yann Tobin, c'est votre signature dans la revue Positif, puisque vous écrivez dans la revue Positif, mais votre nom c'est N. Tobin, et on vous appellera comme ça, normalement, puisque c'est votre nom. Voilà. Donc critique de cinéma, vous êtes aussi documentariste et auteur de plusieurs livres sur des cinéastes, comme Lubitsch, Sauté ou encore Mankiewicz. Mais vous êtes aussi l'auteur de Ingmar Bergman, Le Magicien du Nord, édité chez Gallimard en 1993. Et alors, ça n'a rien à me voir, enfin directement avec notre sujet, mais je le dis quand même. Vous êtes le commissaire d'une expo intitulée « Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma ». C'est à la Philharmonie de Paris. C'est à partir du 19 octobre. Voilà. Alors, on en revient à notre cinéaste suédois, Bergman. On vient d'écouter la fiction. On a découvert un Bergman angoissé, jaloux, dur. On l'a découvert aussi à travers une archive extrêmement brillante dans sa façon d'exprimer son amour pour une femme, pour Liv Ullmann. Tu es mon Stradivarius. Que c'est beau. On a vu aussi que le cinéaste était parmi les auteurs les plus reconnus et influents dans le monde du 7e art, qui est Bergman, l'un des grands génies du cinéma, ou peut-être pas un génie, mais quelqu'un d'important. Comment vous le situez ? Un génie, sans aucun doute. En tout cas, si on pose la question aux cinéastes d'aujourd'hui, c'est lui qui est le récipiendaire de la palme des palmes. C'est-à-dire le cinéaste qui n'avait jamais eu la palme d'or et qui a été récompensé par tous les cinéastes qui avaient eu la Palme d'Or, c'était Bergman. Et c'est sa fille, celle qu'il a eue avec Liv Ullmann, parce qu'il a eu plein d'autres enfants, c'est elle qui est venue, à l'époque, recevoir à sa place cette récompense, puisque Bergman ne se déplaçait jamais. Comme vous l'avez dit, il restait terré dans son bunker de l'île de Fore. Ouais. Par quel moyen connaît-on le mieux Bergman alors? Par le témoignage des femmes qui l'ont aimé, par des cinéastes qui l'ont étudié, par ses amis, sa famille, sa jeunesse? Pardon d'être un peu familier, mais par quel bout le prendre? Bah écoutez, la chose la plus simple finalement, vous avez dit, un Bergman qu'on ne connaît pas, qu'on découvre à travers les écrits des autres ou les interviews, les témoignages. Mais en fait, là où Bergman se livre le plus, c'est dans ses films. C'est vrai. Donc, pour connaître aussi bien, à mon avis, l'homme que l'œuvre, c'est ses films qu'il faut voir et revoir. Et surtout, ne pas les prendre pour argent comptant, puisque Bergman est un créateur, c'est un artiste qui, non seulement romance, mais déforme, mais n'arrête pas de mentir, n'arrête pas de se donner parfois le beau rôle, parfois le plus mauvais rôle, à travers ses alter-ego que sont les protagonistes de ses films. Aussi bien d'ailleurs les protagonistes féminins que masculins. Et quel serait le film qui nous le ferait mieux connaître parmi tous ces films? Où est-ce que tous ces films, finalement, mis bout à bout, finissent par construire un personnage? Alors, ça dépend ce que vous appelez par connaître. Si... Comprendre, décoder, lever le voile, oui, mais... sentir le personnage. Alors, voilà. La chose, c'est est-ce que vous voulez essayer de connaître le personnage, le créateur, le grand cinéaste qui a inspiré des générations d'autres cinéastes avant lui, ou l'homme, ou éventuellement l'enfant caché sous l'homme, qui n'a pas arrêté après de tricher avec ça. Voilà, toutes ces facettes-là sont explorables dans chacun des films de Bergman. C'est ça qui est assez hallucinant. Maintenant, il y a un film où on ressent, à mon avis, le mieux ce qu'a pu être Bergman, l'homme, dans son intimité. C'est son plus petit budget de toute sa carrière. Et c'est de loin son plus énorme succès populaire et international. C'est Scène de la vie conjugale. Ouais. Parce que scène de la vie conjugale, où Bergman, dans ses interviews d'époque, disait « Ben voilà, j'ai fait une série télé qui s'inspire un peu de Dallas, la série américaine. » Et en fait, il y a mis tout ce qu'il avait vécu, non seulement avec sa compagne la plus récente, qui est Liv Ullmann, qui joue en plus le rôle principal, mais sans doute ce qu'il a vécu avec ses épouses précédentes, y compris d'ailleurs l'après, puisque c'est scène de la vie conjugale et post-conjugale. Oui. Et à travers ça, eh bien, en fait, toute la planète s'est reconnue. Et c'est là qu'on voit aussi, qu'on peut mesurer à quel point Bergman est plus universel et moins élitiste qu'on y paraît. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais là, c'est moi qui suis à l'écran. Mmh. Et ceux qui sont cinéphiles, qui sont pointus, les chercheurs ont dit, mais c'est Bergman qui se met en scène lui-même. Donc, Bergman, c'est tout le monde. Ben oui, c'est nous. Lui, c'est nous. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait traduire ça dans une œuvre cinématographique, avec, en plus, une... Un vrai savoir-faire. Plus qu'un savoir-faire. Un talent, inspiration formelle, ce que vous appelez le génie, oui. Mais qui peut être aussi bien un génie de la révélation que de la dissimulation, finalement. Alors, ses rapports avec ses parents, son père, qui était pasteur, je crois, qui était très dur, sa mère, dont il était proche. Il y a aussi la bulle familiale qui est importante. Hein. Je ne parle pas du couple, là, je parle de la bulle familiale. Chez quelle personne est-ce que la bulle familiale n'est pas importante? Certes. Elle a plus ou moins d'influence. Elle a de l'influence, ben, c'est-à-dire elle a eu évidemment de l'influence comme pour tout un chacun, hein, le père, la mère, une enfance en plus assez sévère, des châtiments corporels, etc. Alors, il y a dans l'un des documentaires qui est sorti sur Ingmar Bergman, on apprend très étonnamment que les plaintes de Bergman sur le fait qu'il a été martyrisé quand il était enfant ne sont pas fondées et qu'en fait c'était son frère qui était martyrisé et Bergman a mis ça à transférer, en quelque sorte, puisque c'était apparemment le chouchou de la famille. Mais il s'est complu, en fait, dans ce rôle d'enfant martyrisé. Et comme il en mettait dans ses films, on s'est dit, mais c'est Bergman, donc c'est de lui qu'il parle. Et comme en plus, après, il a écrit des livres pour raconter sa vie, on s'est dit, bah alors, finalement, le labyrinthe n'en est plus un, tout est clair. Mais ce qui est génial avec Bergman, c'est que plus on pense s'approcher de la clarté, de la simplicité, de la vérité, et plus on s'enfonce finalement dans l'abîme de son œuvre et de son créateur. Alors, si on fait un détour par la politique, oui. Là, ça devient compliqué. Très. Hein, Bergman adulé d'un côté, mais aussi terriblement critiqué dans les documentaires qui sortent en salle en ce moment, certaines parties de sa vie, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, son adhésion au Troisième Reich lui sont évidemment reprochés. Qu'en est-il du logiciel ou du corpus, on va dire, corpus politique de Bergman? Alors, évidemment, il en parle, mais alors... Quand on dit Bergman et la politique, on pourrait dire la même chose, Bergman et les femmes, Bergman et la morale, Bergman et la religion, Bergman et le cinéma. C'est-à-dire que c'est le paradoxe, en fait, qui nourrit créateur. C'est quoi le paradoxe? Je vais vous raconter une anecdote qui est rapportée d'ailleurs dans les deux documentaires en question. Bergman, à un moment donné, il a tellement d'angoisse et en plus, il somatise beaucoup. C'est-à-dire que il a des maladies terribles, des vertiges, des coliques, à chaque fois qu'il doit faire une répétition avant la première d'une pièce de théâtre, avant de se rendre sur le plateau d'un film. Donc, il a des angoisses, il peut plus dormir, il doit être souvent hospitalisé, il fait des infections, etc. Il va voir un thérapeute qui lui dit, je peux vous guérir, j'ai là exactement ce qu'il faut pour ça. Mais peut-être que vous allez y perdre en créativité. Et Bergman a aussitôt annulé la thérapie. Donc, voilà, c'est ça Bergman. Et donc, il se nourrit à la fois de ses démons et de ses dons pour créer. Alors, la politique... Oui, oui, évidemment. On s'en est écarté ou c'est un rapport? C'est un rapport. Bergman... La version officielle bergmanienne, c'est qu'il a été traumatisé par le fait que ses parents, quand il était enfant, l'ont envoyé en Allemagne nazie passer les vacances. Il en est revenu avec, pas l'idéologie, puisqu'il ne savait pas ce que c'était, mais imprégné, disons, une sorte de culte de Hitler, comme il y avait dans les années 30, il était petit, hein, en Allemagne. On a découvert par la suite que c'était plus compliqué que ça. Qu'il y avait une sorte de... alors peut-être d'assimilation par Bergman de ce père terrifiant, honni, rigoriste, oui, que Bergman a profondément haï pour se réconcilier avec lui à la fin, qui avait peut-être eu une sorte de transfert avec une autorité qui aurait été celle d'Hitler pour l'Allemagne de l'époque. Et Alors, Bergman avait toujours la réponse toute faite. Hein. Il disait, ça s'est arrêté dès que j'ai compris, etc. Et puis, mon œuvre prouve que j'avais compris que le fascisme, que le nazisme, que c'était le mal absolu contre lequel il fallait lutter. D'ailleurs, les premiers scénarios de Bergman, avant qu'il devienne réalisateur, sont des scénarios antifascistes. Il a, par la suite, monté des pièces anti-nazis et antifascistes. Ouais. Mais ce qu'on a appris relativement récemment, c'est qu'il a continué à être attiré par cette idéologie jusqu'à 24, 25 ans, en gros, jusqu'à presque la fin de la guerre. Quand même. Quand même. Ouais. Alors ça, évidemment, il l'a caché. De même qu'il a caché énormément de choses, ou qu'il les a, en fait, pas cachées, mais mises en scène, aussi bien dans ses films que dans ses soi-disant mémoires. Ntevin, on va se retrouver dans 3 minutes et on reviendra en écho à cette archive qu'on a entendu tout à l'heure sur les relations de couple. Hein, parce que c'est quand même le cœur de notre histoire et de notre fiction qui était réalité, évidemment. De ses amours, maintenant, sa relation avec Lee Woolman, évidemment, mais d'autres, ses histoires passionnelles et orageuses, les enfants qu'il a eus avec plusieurs femmes dont il s'occupait peu. Était-il si égoïste ou obsédé par son art et ses démons qu'il en oubliait les autres, y compris ses plus proches? Je ne sais pas si c'est égoïste le vrai mot, en fait. Accaparé, on va dire, plutôt qu'égoïste. Accaparé et puis peut-être vampirique. C'est-à-dire, il n'a jamais caché son besoin des autres. Il a eu beaucoup de femmes, légitimes ou illégitimes. Il n'était pas marié avec Lee Woolman, ils ont une fille ensemble. Mmh. Mais à partir du moment où il se sépare sentimentalement d'une femme, il reste son ami. Il est resté ami avec toutes ses femmes. D'ailleurs, il y a un de ses films qui s'appelle « Toutes ses femmes ». Et en fait, dont le nom complet est « Pour ne pas parler de toutes ces femmes ». Lee Woolman a toujours dit que ce qui lui était arrivé peut-être de plus important dans sa vie, c'était sa liaison, son histoire avec Bergman, ce qui est raconté dans la fiction qu'on a entendu, mais que ce qui a été le plus beau dans cette relation, c'est qu'ensuite, quand ils se sont séparés, Bergman est devenu son meilleur ami jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'on entend bien dans l'archive, hein, le ton, il est là, quoi. C'est tu as été mon amour, tu étais mon amant. Nous sommes restés amis. Et alors, c'est intéressant parce qu'elle insiste dans l'archive, je trouve, sur le fait ce qui a été grand aussi pour elle, au-delà de l'amour, de ce qu'elle a ressenti personnellement, c'est qu'elle était avec un génie. Et elle lui dit, quoi. Je pense que ce qui était important aussi pour Bergman, c'est que les femmes avec qui il était en couple, et au moins autant ou une sorte de génie comparable au sien. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'admirer les femmes avec qui il était. Il était avec une grande pianiste, avec qui il est resté ami après toute sa vie. Il admirait énormément toutes les actrices qui sont devenues ses compagnes et qu'il a continué toutes de faire tourner après leur séparation. Liv Ullmann a peut-être fait que 2 films avec Bergman quand ils étaient ensemble, mais en tout, elle a fait 11 films avec Bergman. Donc, Margaret von Trotta lui dit 10, et Liv Ullmann corrige et dit non, je crois que c'était 11. Donc, ça vous montre la complexité. Évidemment, il était obsédé par son art. Mais, en fait, il était aussi obsédé par sa vie et par la manière dont sa vie allait nourrir son art. Dès qu'il était malade, dès qu'il était humilié, dès qu'il était heureux, il se disait... Comment est-ce que je vais pouvoir faire passer ça chez mon personnage? Ouais. Parce qu'il écrivait. Et alors, il y a une anecdote qui est à la fois terrible et assez émouvante, finalement, qui est dans l'un des documentaires dont nous parlions, où l'un des enfants de Bergman, ils sont très nombreux, ils ne se sont rencontrés tous qu'une seule fois au 60e anniversaire de Bergman. À un moment, Bergman est vers la fin de sa vie. Ce monsieur est avec l'une de ses sœurs, une fille de Bergman. Et Bergman se plaint sans cesse et dit « Mes acteurs me manquent, les acteurs me manquent ». Et la fille de Bergman qui est à côté de lui dit « Écoute, papa, t'exagères, tu pourrais dire « Les enfants, mes enfants me manquent ». Et puis Bergman leur répond « Mais non, parce que c'est pas vrai ». Donc, étonnamment, Daniel Bergman, le seul fils de Bergman, le seul enfant de Bergman qui soit devenu cinéaste, il dit, mais il y a une chose quand même très étrange que je vis, c'est que ma mère, qui était une grande pianiste soliste, et mon père, qui était Ingmar Bergman, et moi, qui fais le même métier que lui, il ne me manque pas. Alors, dans son introduction à la rétrospective Bergman que consacre la Cinémathèque aux cinéastes, et d'ailleurs, c'est en liaison avec ce que vous disiez, Olivier Assayas pose cette question, j'aime bien la façon dont il la pose, il dit, où en est-on avec Bergman? Je vous la pose aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous laisse? Quel est notre regard aujourd'hui, avec un peu de recul maintenant? On en est où avec lui? Moi, je peux vous parler en fait de ma propre expérience, parce que moi, je suis un critique de cinéma depuis une quarantaine d'années. J'ai eu la chance d'écrire sur des films de Bergman lors de leur sortie. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes critiques qui peuvent avoir cette expérience-là. Donc, pour moi, Bergman, c'était à la fois le présent et c'était à la fois l'histoire du cinéma. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à devenir cinéphile, pour moi, Bergman, c'est une sorte de forteresse. Donc, il fallait que je fasse mes devoirs, il fallait que j'aille voir tel film et tel film. Il y en a que je découvrais au cinéma de minuit, au ciné-club, à la télévision. Et puis, je lisais avant de les voir. Je prenais même parfois des notes après les avoir vus, etc. Et puis, jusqu'au jour où je suis allé justement à la Cinémathèque française et où j'ai eu un choc émotionnel en voyant un film de Bergman, et c'était Persona. Et je me suis dit, oh là là, alors, donc ce grand maître qu'on apprend comme si on faisait ses devoirs en allant à l'école, il est aussi capable de provoquer des chocs émotionnels très forts avec des personnages qui vous bouleversent, etc. Donc, il va avoir pour moi plus d'importance qu'un, si j'étais un élève d'école du cinéma, il va avoir une importance dans ma vie. Et en fait, le premier film de Bergman qu'on voit et qui vous provoque ce choc, vont souvent changer votre vie si vous avez décidé de la consacrer au cinéma. Que vous soyez critique de cinéma, acteur, parce qu'il y a des acteurs qui disent aussi ça, oui. Cinéaste surtout. Margaret von Trotta, qui voulait être actrice, elle a vu Le Septième Sceau et elle a dit, finalement, je ne veux plus être actrice, je veux faire ça, je veux devenir cinéaste. C'est ce qu'elle dit dans son film. Donc voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il est mort, alors que ses films ont 40, 50, 60 ans, c'est le même phénomène qui se reproduit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Bergman incontournable, qu'on va avoir un peu par devoir, dont on a reçu un coffret DVD à Noël et on hésite à le voir, etc. Un jour, on va se mettre devant un écran, plus ou moins grand. Moi, je l'espère le plus grand possible. Bah oui, pour vous lève les yeux. Hein, oui. Voilà. Tout d'un coup, il va y avoir un choc. Et voilà, c'est ce choc-là qui fait que l'influence de Bergman est toujours, aujourd'hui, auprès des jeunes, auprès des vieux, aussi prégnante. Bon, bah ça répond bien à la question, quelle trace a-t-il laissé, hein. Elle est très importante. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de Bergman et du théâtre, parce que c'est un grand metteur en scène de théâtre, c'est pas seulement du cinéma. On parle aussi d'un lien qui aurait, comme ça, rapproché Bergman de Johann August Strindberg, symbole du théâtre suédois de la fin du 19e siècle, mais considéré comme l'un des pères du théâtre moderne. Donc c'est aussi cette facette-là, alors qu'on connaît moins, parce que voilà, faut aller fouiller un peu. Donc, homme de théâtre. Mais c'est comme pour tout, c'est-à-dire paradoxe, paradoxe, paradoxe. Bergman, à un moment de sa vie, a dit « J'ai deux femmes, l'une légitime, l'autre illégitime. Mon épouse légitime, c'est le théâtre, et ma maîtresse, c'est le cinéma. » À un moment donné, un autre moment de sa vie, il a dit « C'est trop fatigant le cinéma, je reviens à mon épouse légitime, je ne ferai plus que du théâtre. » Et il a continué quand même à revenir au cinéma. Et puis un jour, il a dit « Oh, j'en ai assez qu'on me ressorte toujours cette citation. Dites-vous que j'ai deux épouses, le théâtre et le cinéma. » Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Bergman est reconnu dans le monde entier comme le cinéaste des cinéastes. Un génie du 7e art absolu qui n'a quasiment pas d'équivalent Dans son style et dans sa trajectoire. Et dans cette échelle. Et dans cette échelle, oui, peut-être aussi. C'est-à-dire tous les pays du monde, toutes les générations, enfin, et toutes les périodes de la carrière de Bergman. Il y a des gens qui préfèrent celle-ci, d'autres celle-là. Et ce que on apprend quand on interroge les amis, les connaissances de Bergman, c'est Bergman, il avait une énorme frustration, c'est de ne pas être reconnu comme un grand auteur dramatique à l'égal d'un Strindberg ou d'un Ibsen. Alors évidemment, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Oui, parce qu'il a déjà beaucoup, mais c'est humain. Il avait goûté quand même. C'est-à-dire que Bergman, au départ, pendant 7-8 ans, il écrivait des pièces de théâtre, il était metteur en scène de théâtre, il a commencé à écrire des scénarios pour un peu mieux gagner sa vie, et il a voulu faire tout de suite du cinéma. Et ce que n'arrêtait pas d'écrire les critiques horribles de ses premiers films, c'est pourquoi est-ce que ce génie du théâtre suédois s'escrime à vouloir devenir metteur en scène de cinéma alors qu'il n'a aucun talent dans le cinéma. Quand ils relisent ça, ça leur fait bizarre. Oui. Merci infiniment, Intémine. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que je lise deux très belles déclarations sur la vie de Bergman et Liv Ullmann, leur rapport, leur histoire. Voilà. C'est l'un des deux hommes, alors dit-elle, que j'ai vraiment aimé dans ma vie et j'aurais voulu que cet amour dure toujours. Et voilà ce qu'aurait pu répondre Bergman à Liv Ullmann. Nous n'avions besoin ni d'avocat ni de prêtre dans notre vie commune. Nous avions notre amitié et notre amour. Voilà, on pourrait même ajouter, à travers ce que vous avez dit, fidélité. Hein, ça, c'est vraiment un mot qui colle. Absolument. Et pourtant, il a fidélité dans l'amour, l'amitié, dans le rapport humain. Il a pourtant écrit pour Liv Ullmann un scénario inspiré de la vie de ses parents qui s'appelle Infidèle. Merci, Intémine. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Les Démons de Bergman, une fiction écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, réalisée par Pascal Deux et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre Lemierre et Benjamin Orgeret.